Les angoisses nous hantent, peu à peu enfantent les phobies. Les faux disent que puisque c'est la merde, j'en les Freddy. Si j'étais Freddy, le moi je vois mon ref Freddy. Prêt à me suivre vers la fin, désolé si je t'ai refroidi. Pas besoin de sérum, la mort tu connais son arôme. Man, tu m'as mis au monde, merde, je suis pas un surhomme. Coute sur un coup sur on, souris et on souffle pour rien. Tiens, et Dieu tend dans la main. Putain c'est stressant, récent, cette peur je te parie exempt. Je réexemple ma folie 100 fois qu'on par exemple. Mais y'a pire, tu sais, je vois qu'on se défonce tous. Je viens très omniprésent, vu que je suis né le 11-12. Parenthèse, donc j'ouvre une parenthèse. J'ai mal au cœur quand un gosse me dit que c'est parentise. La mort c'est ma hantise et c'est la vôtre. Mais on joue les créateurs en clone et l'ego avorte. J'ai cru en Dieu, par naïveté je plains les mots risques. En fait un paradis sans même savoir ce que les morts risquent. Les années passent trop vite, je me revois jouant à la balançoire. Maintenant adolescent, la peur de se prendre une balançoire. On a tous le même destin, on fait que passer tel un cyclone. Aucune trace, normal le diable a plus de 666 cyclones. Ça devient une phobie comme pleurer sur la tombe de mon frère. Si tiens de ma vie déjà, mais j'en profite avant le cimetière. C'est l'enfer, gouverné par le diable, on est ses morveux. La hantise de mourir, comment savoir ce que les morts veulent. Impossible de vivre sans imaginer le contraire. Alors à quoi ça sert, j'ai mal à contourner avec mes mon frère. Mais aucune chance, un jour peut-être je serai vieillard. Avant je verrai des proches décédés, la vie est hard. La nuit je rêve au jour où jamais plus je me réveillerai. Alors je m'endors tard, mais il est trop tard, la vie m'a jamais plu. On est tous maudits, le mal est mobile. Parce qu'il est fertile et rend nos âmes stériles. On a tous des phobies, la vie est morbide, futile. Le monde est stupide et rend nos âmes cupides. On est tous maudits, le mal est mobile. Parce qu'il est fertile et rend nos âmes stériles. On a tous des phobies, la vie est morbide, futile. Le monde est stupide et rend nos âmes cupides. La source qui m'inspire, pas celle du bien car elle est m'inspire. Inexistante, j'expire, le mal les m'instire. Les leçons d'une folie absurde, puisqu'elle est dans nos gènes, homogène, active et rend nos âmes sourdes, omniprésentes partout. Une phobie stressante, une douleur incandescente, loin d'être un atout, on rate tout. Par manque de courage, la peur nous tient en laisse, nous fait vivre et laisse un coup amer de rage. Laisse profondément, les démons nous assiègent. On prend un siège aux côtés du diable et on brûle les cierges. En guise de sortilège sordide, ils jouent avec nos nerfs. Tout ce que nous faisons de mauvais, on trouve ça splendide. Horrifié, terrifié, sanguinaire au mac, meurtre en série, théâtre de tuerie. Et les sourires s'hérissent, parce qu'il est temps de mettre un terme à toutes ces angoisses, car à force, il se pourrait qu'on m'interne. Tous différents, notre seul point commun, c'est nos destinées. La mort t'emporte un matin, sans même prendre le temps de sonner. La vie consume, regarde son cendrier, j'entends mon sang crier. Mes angoisses me suivent partout, j'aimerais seulement les oublier. Alors plus les jours passent et plus je regarde le monde de travers. Quel calvaire de me lever, sachant que demain sera comme hier. Aucune solidarité, personne à qui tendre la main. On souffre en silence chaque jour en regrettant le lendemain. Pourquoi font-ils tous les bâtards, qui est le patron? Ça tant possible, je m'inquiète car même mes parents trompent. Alors je nique la vie vu qu'elle me consterne. Faut que les constats, je ris quand on me dit que la vie est une perle. La plupart des coups de pute m'ont fait des cicatrices. Je les compte même plus, j'en ai environ 666. Plus de 6 milliards d'humains, tous méritant un Molière. Trop d'hypocrisie quand on me demande sa vache qui nous des paupières. On est tous maudits, le mal est mobile. Parce qu'il est fertile et rend nos âmes stériles. On a tous des phobies, la vie est morbide, futile. Le monde est stupide et rend nos âmes cupides. On est tous maudits, le mal est mobile. Parce qu'il est fertile et rend nos âmes stériles. On a tous des phobies, la vie est morbide, futile. Le monde est stupide et rend nos âmes cupides. On est tous maudits, le mal est mobile. Parce qu'il est fertile et rend nos âmes stériles. On a tous des phobies, la vie est morbide, futile. Le monde est stupide et rend nos âmes cupides. On est tous maudits, le mal est mobile. Parce qu'il est fertile et rend nos âmes stériles. On a tous des phobies, la vie est morbide, futile. Le monde est stupide et rend nos âmes cupides.